l'austérité. On opte pour la fraternité. Chapeau à la postérité. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Tu veux le bonheur du paradis, sois digne. Je tente d'être addict, vis ce nouveau paradigme. Centré sur terre, la volonté, le cœur ouvert. La vérité, on a tous hérité. De bon ou mauvais, on a tout mérité. Le don et l'amour par hérédité. Ne pas hésiter à les rééditer. Une simple parole, un regard, une main. Une énergie, un sourire, ça agit. L'univers, la vie, la terre, l'envie. Le frère, l'humain, la sœur, le lien. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Voix, c'est le vent, seulement la haine. Vers cette veine, le vent des rêves s'éteint. Je peine à saisir le sens des désirs. Au fond, que l'on profère, se sert entre frères, fiers dans leur guerre identitaire. Frères de la vie sur terre, un flamboyant fer. Semble faire leur enfer, rien ne se sert. L'air, lourd, exaspère, on se fout. Le fer de lance des nobles âmes entières. En l'air, le poids de terre, des cœurs de pierre. Par la peur altère, les suiveurs qui adhèrent. Frères, frères, frères, frères, sommes. Frère, frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Homo, hétéro, rom. Chrétiens, juifs, musulmans. Dans la même somme. Frère, frère, frère. Nous sommes frère, frère, frère. Femmes et hommes. Noir, blanc, riche, car différent. L'espoir de notre enfance à la vie différent. Tout homme porte en lui l'humanité tout entière. Pour chaque acte, le boomerang de la vie lui resserre. Frère, frère, frère, nous sommes. Un jour m'a dit mon frère, l'amour ne se crée pas, il se libère. Depuis, je le délivre avec foi pour ce frère en moi. Frère, frère, frère, nous sommes. Oublions les liens du sang, soyons ce qui dit l'air et le vent. Oublions les liens du sang, soyons ce qui dit l'air et le vent. Frère, frère, frère, nous sommes. Frère, frère, frère, dans la même somme. Unissons les religions, les conditions, l'humain à l'unisson. Unissons les religions, les conditions, l'humain à l'unisson. Unissons les religions, les conditions, l'humain à l'unisson. Unissons les religions, les conditions, l'humain à l'unisson.